опять как вчера. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И задели, хлопочут у стволки, там охотники прячутся в ici. Zéol m'a dit, pour que le monde marche, il faut y mettre un ordre. Alors il a cru que c'était à lui de décider lequel. Alors j'ai quitté son monde. Et ses ordres ont rendu fou le monde. Et ce n'est que d'ici. Mais que s'il regarde, que je peux l'apaiser. Moi, autrement que comme ça, Zéol continue toujours à prendre au sérieux des trucs que je ne fais que jouer. Alors je suis là. Parce que c'est avec Zéol que je vais faire naître. Toujours. Pour toujours. Ce qui s'appelle bébé. Pour un temps, on m'a dit. Et j'ai peur que cet oiseau de malheur oublie l'inoubliable. Comme il s'est oublié qu'il y a toujours un paysage face à lui. L'intérieur du monde dans lequel il se trouve. Parfois, il est perdu ailleurs alors qu'il est là. Même là, il est perdu ailleurs alors qu'il est là. Alors qu'il est là. Alors qu'il est une lumière apaisante. Pareil à vous. Vous êtes là. Thank you. Qu'est-ce qui fait chaud cet hiver? Je vous laisse avec la lune et je vous envoie mon fils.